être plus simple, c'est on va se mettre en tour, puis faire demi-tour. Ah, ça y est, première voiture qui barre la route. Première barrière posée. Première voiture et camion arrêté. Petit sapin de Noël qui servait hier à faire un feu au petit matin, et bien, maintenant ils servent aussi à bloquer des routes. Ils sont décidément bien pratiques. Manœuvre de demi-tour au feu, parce que ça passe plus. Il faudrait qu'on bloque plus ça. Vous êtes gilet jaune du rond-point des vaches ou non? Non. Non. Nous sommes gilets jaunes, mais de Barentin. D'accord. Vous avez fait un peu de route pour venir ce matin en plus. Oui, oh, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. C'est le résultat qui compte. Ouais. Vous êtes en lien avec les gilets jaunes du rond-point des vaches? Vous faites oui. Des trucs en commun? Oui, oui, ouais. Oui, bien sûr. Et il y a un rond-point précis à Barentin que vous tenez ou que vous avez non, tenu? Non, qu'on a tenu, mais ça a été très très difficile, ouais. Très dur. La répression a été très dure. Ouais. Et la répression, répression. Quand je vous dis répression, c'est répression. C'est bien tapé. C'est, voilà, ouais. Gazé. Et... Enfin, c'était comme ça, mais c'est dommage. Il y a eu des peines, il y a aussi de la répression judiciaire? Oui, ou... ouais. Oui, complètement. Il y a des copains, des copines qui ont été derrière les barreaux? Derrière les barreaux, à ma connaissance, hein, à ma connaissance, non. Mais dans le système judiciaire, oui. Nous-mêmes. Ah oui? Ok. C'est fini. On a des têtes de terroristes. Ah oui. Voilà. C'est terminé les poursuites ou ça va? Ça continue. Ça continue. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est ça le combat. Mais c'est malheureux quand même d'en arriver là. Oui. Parce que c'est inadmissible. C'est inadmissible. Bon, je suis pas pour la violence, hein. Loin de là. Hein. Loin de là. Mais taper sur des gens gratuitement pour justement infléchir, et judiciairement pour nous faire infléchir. Et je crois que la colère est montée, montée, montée. Voilà. Et elle ne s'est pas éteinte depuis. Ah non, ça, elle ne s'est pas éteinte. À notre niveau, hein, parce que bon, on a un certain âge, mais... jamais vu ça, jamais. C'est triste de voir un pays comme ça. Mais bon, il faut faire avec et il faut combattre ça, cette violence. C'est pas normal. Oh là, il va te pousser au cul, l'autre, non mais. Voilà, voilà. Donc on continue. Jusqu'à quand, je ne sais pas. J'espère que pour tout le monde, ce sera au plus vite, que ça se règle au plus vite. Le dialogue a été coupé au départ. Hein. Donc, quand le dialogue est coupé au départ, c'est pas bon pour le pays. Ouais. C'est sûr que là, on n'a pas beaucoup l'impression d'être écouté, quoi. Hein. Ah, mais pas du tout. Ouais. Pas du tout. Quand vous avez un gouvernement dès le départ qui... d'un revers la main, écarte des partenaires sociaux, quels qu'ils soient, c'est qu'il y a un problème. Un problème de dialogue, parce que le dialogue est très important. Bah, oui, c'est la version brutale du libéralisme, oui. Du capitalisme. C'est, on impose les choix et puis on ne discute plus. Voilà, mais c'est une erreur. C'est une grave erreur. Voilà, il y a un déménagement de palettes pendant qu'on parle. Mm-hmm. Hop, je pense qu'ils sont en train de les amener un peu plus haut sur le point de blocage là-bas. C'est l'autre côté. Oui, on va les accompagner. Merci. Mm-hmm.